Dans la forêt enchantée, la princesse attendait. Elle se disait que si les oiseaux revenaient, ils chanteraient et diraient: allez, viens, allez, viens, viens danser. Allez, viens, viens danser. Allez, viens, qu'est-ce que tu fais? Viens danser. Allez, viens, viens danser. Sous un soleil égyptien, les femmes travaillaient. Ils se disaient comme la mer était loin. Que le bonheur passait. Alors vas-y, viens, allez, viens, viens danser. Allez, viens, viens danser. Allez, viens, qu'est-ce que tu fais? Viens danser. Allez, viens, viens danser. Dans son château enfermé, le musicien cherchait. Il se disait que bientôt reviendrait.